Bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Septième épisode. Peter laisse son visage se détendre entièrement. Le repos gagner ses muscles et ses nerfs. Et son esprit, pareillement, ne cherche pas à se défendre. La journée revient. Des bribes se bousculent. Des images, des mots. La lumière et l'odeur de ce printemps avant le printemps. Il est ici avec Fancy, lui, Peter. Comme il n'aurait pas cru que ce soit possible de seulement l'imaginer ce soir-là quand il était entré. Il était resté sans oser un mouvement, un bruit. Le souffle retenu, comme ça, ayant juste franchi le seuil de la porte de chez lui. Il sait où le parquet risque de craquer. Il sait à quel endroit la porte risque de grincer. Et pourtant, il avance, silencieux. Il avance chez lui comme un prédateur. Il avance parce que le silence le guide mieux que ses yeux brûlants. Soudain, il perçoit des mouvements. D'autres bruits, de légers halètements, des chuintements. Ce ne sont pas des cris, mais des soupirs, des souffles. Pas vraiment des râles, non. Mais s'étirant le long de la nuit, des souffles de corps qui se cherchent, se prennent. Et lorsqu'il comprend, Peter s'arrête un moment. Puis il avance. Il marche à travers la salle à manger. Et, longeant le mur de droite, arrive, glissant, silencieux, presque effrayé de ce qu'il fait et se voit faire, sur le côté de la porte coulissante du salon. Puis finalement, il cède. Il sait qu'il est venu pour ça. Les idées se bousculent. La confusion, la peur de voir son fils nu car la nudité de son fils l'effraie. Cette idée l'effraie. Mais la nudité de Fancy l'attire à ce point que le corps de son fils se dilue comme un mauvais rêve. Et lorsqu'il ouvre légèrement le panneau, qu'il laisse sa main sur le bouton de la porte et que lentement, doucement, il bascule en retenant son souffle vers l'espace qu'il a libéré entre les deux panneaux de porte, il ne respire plus. Il avance de quelques centimètres. Un léger basculement du buste, de la tête, une inflexion du cou. Il avance une partie seulement de ce visage effrayé, effaré, dont la transpiration dégage comme des perles irisées de lumière blanche et coupante comme du verre. Et il regarde. Et maintenant, pendant cette première nuit à l'hôtel Plaza de Rome, c'est lui que Fancy regarde. Lui qui est regardé dans son sommeil. Fancy regarde la fin de Shining sans faire d'effort, se laissant porter. Soudain, le bandeau Breaking News et les infos en blanc sur un fond rouge. une carte du Japon. Il s'est passé quelque chose au Japon. A-t-elle le temps de penser quand déjà, elle voit les bateaux retourner sur une plage et la plage encore gorgée d'une eau noire qui reflue d'entre des barres d'immeubles au pied desquelles il y a des coques renversées, éventrées. Puis des images dans un bureau, la caméra qui tremble, des écrans d'ordinateur qui bougent, tombent, des murs qui vibrent, des gens qui courent, regardent au plafond, cherchent des appuis, n'en trouvent pas, et hésitent, se retiennent au bureau. Les images sont floues, pixelisées, des carrés qui grossissent, se figent, emportent des morceaux de visage et de couleurs, des pans de murs, un zoom qui n'accroche aucune image. Fancy voudrait éteindre la télévision, ne plus voir ces images et se dire que le réel, ce ne sont pas ces images, mais la présence d'un homme qu'elle aime à ses côtés. Le luxe et l'opulence d'un hôtel en plein cœur de Rome, la beauté, l'éternité des statues, les images de sa journée. Elle ne veut rien voir. Ou alors elle voudrait le silence et le bleu de la mer, l'azur, ou quelque chose comme l'azur. Alors que l'azur, très loin, là-bas, dans quelques heures, ce sera la voix de Juan qui appellera Paola, le golfe d'Aden, le catamaran glissant au large de la Somalie, le vent d'à peine 20 nœuds et la voix de Juan que Fancy n'entendra jamais. Comment ne pas prendre ce risque, alors que depuis 2 mois le tour du monde est si beau, la mer si magnifique, si généreuse, les escales si agréables. La pluie semble ne tomber que pour remplir les réserves et faire fonctionner le système du taux. Alors, les risques, les pirates, il faut en prendre sa part, pourquoi pas. Des risques, Juan en a pris pendant des années, des pires. Quand il travaillait au Pays Basque, il a échappé à 2 attentats. Alors la mort, il sait ce que c'est. Et maintenant qu'il est à la retraite, il n'aura pas plus peur qu'avec le risque des bombes et de l'ETA. Un vieux flic comme lui ne rebroussera pas chemin, même pour un tour du monde avec sa femme. Pour une fois qu'il tient une promesse. Non, ce golfe d'Aden si dangereux ne lui fera pas peur. Juan ne prend pas le temps de réfléchir lorsqu'il voit les 2 hors-bord et les noirs. Combien sont-ils par embarcation? 6, 7. Entre les mains, ils ont des fusils, AK-47 s'il voit bien. Juan connaît les armes et sait ce qu'il doit faire. Mayday, Mayday, Mayday. Isabella, Isabella, Isabella, Mayday, Isabella. Position 12 degrés nord, 47 degrés est. Attaque de pirates. 2 personnes à bord. Attaque de pirates. 2 hors-bord. 15aine d'hommes armés. Fusil mitrailleur, AK-47, RPG-7. Demande secours immédiat. Mais soudain, le choc de l'abordage et des voix qui arrivent, des cris et le fracas. Des coups de feu qui se perdent dans le ciel, le bruit du choc des coques et ce mouvement du bateau qui a tangué si vite, si fort, à tribord, comme une fracture. Paola ! Paola ! Paola ! Cache-toi ! Cache-toi dans la cabine ! Reste dans la cabine ! Non, je ne veux pas me cacher ! C'est inutile ! Il faut se rendre ! Juan le sait, ça ne sert à rien de résister. Ça ne sert à rien. Mais Juan a pris le vieux fusil à pompe qu'il avait acheté presque 20 ans plus tôt. Paola accourt vers lui, l'attrape, le saisit à pleine main, lui retient les bras. Juan sait qu'elle a raison, c'est sûr. Mais ses mains se crispent sur le canon et sur la crosse du fusil à pompe. L'un des hommes donne des ordres aux autres, et cet homme-là est le seul à ne pas courir. Cet homme-là, celui qui dans moins de 4 minutes aura abattu Juan d'une balle dans la tête, est calme quand il crie et ordonne et montre du doigt aux uns et aux autres où ils doivent aller. Sa peau noire, lui, dans le matin bleuté, et il parle à chacun et chacun lui obéit. Ce qu'il dit, ils le font. Et bientôt, Juan sait qu'il doit lâcher le fusil à pompe s'il veut rester en vie. Mais soudain, le bateau perd de sa vitesse. Bientôt ne reste que le clapotis de l'eau contre la coque. Et les souffles, les visages de Juan et Paola, figés dans la détresse et la peur. La peur aussi dans le visage des hommes qui les attaquent et savent qu'ils doivent se dépêcher parce qu'ils ignorent si l'homme a eu le temps de prévenir, si les gardes-côtes internationaux sont déjà en route. Ils ne savent pas. Ils savent qu'il faut faire vite pour aborder un bateau et enlever les touristes, qu'on puisse réclamer une rançon. Et ils sont excités, déjà, à l'idée de l'argent et des dollars par milliers, par millions. Ils rêvent qu'ils vont fumer des havanes et s'acheter des vêtements et des bracelets-montres en or, qu'ils vont nourrir le village qui attend quelque part dans la moiteur sanglante du pays, le village qui a faim, le village qui n'a rien, qui a besoin de tout. Ils auront tout, bientôt, grâce à eux, plus qu'il n'en faut. La femme s'accroche à son mari. Elle lui dit quelque chose. Elle répète, elle supplie en lui tenant le bras pour essayer de le calmer parce qu'il est furieux. On essaie de le faire avancer encore, mais il refuse. Le chef sort un pistolet de son pantalon de survêtement et sans attendre, allonge le bras et le détend d'un mouvement ample. Dans sa main, le pistolet brille et renvoie des reflets de soleil et d'eau. Un reflet et l'écho du coup de feu rebondit longtemps dans l'air marin et vide. Et le corps de Juan s'effondre. L'effondrement. Et le cri de Paola qui se jette sur Juan pour le retenir. Elle veut le retenir. Le retient quelques secondes à peine. Mais la mort l'entraîne, et son poids trop lourd l'entraîne aussi. Elle n'a pas la force. Les hommes, à deux ou trois, l'attrapent par les bras et l'un lui agite son canon sous le nez. Il tape sous le nez et aussitôt du sang coule. Il tape dans la joue. C'est comme une brûlure. Il gueule en même temps et Paola ne répond que par des cris et des pleurs. Le chef range son pistolet dans la poche de son survêtement. Les types se penchent et prennent le corps de Juan, l'un par les pieds, l'autre sous les bras. Ils le traînent juste au moment où deux hélicoptères de la police maritime internationale apparaissent dans le ciel. Pico 1, Hélico 2, vous m'entendez? Bateau Isabella en vue. Position 12 degrés nord, 47 degrés est. Un catamaran immobilisé et deux embarcations légères qui l'encerclent. Hélico 2 à Hélico 1, on aperçoit plusieurs hommes noirs. Impossible de savoir combien ils sont. Ils retiennent une femme blanche qui semble se débattre. Hélico 1 à Hélico 2, deux hommes noirs viennent de jeter une masse à l'eau. Possibilité que ce soit un corps. Hélico 2 à QG, demande de renfort, prise d'otage en mer. Un corps à l'eau, une femme retenue à bord, urgence absolue. Impossible pour nous d'intervenir sans mettre la femme en danger. C'est quoi? Es-tu très bonne, tes pâtes? Ah, es-tu toujours très bonne, alors aujourd'hui? J'aime bien ici. La sauce surtout, je ne suis pas mécontent. Ah, voilà. Ça va, mon petit chat, hein? Oui, t'es plus beau. Oui, t'es plus beau. Jojo, tu peux éteindre cette radio, s'il te plaît. Oui, Ernesto. Je voulais juste savoir si la femme avait été sauvée. Ah, tu peux pas le savoir, ils l'ont pas dit. Si, si, ils l'ont dit. Ah non. Mais tu parlais. Mais comment tu veux savoir? Ils l'ont dit si tu l'as pas entendu. Je le sais. Non. Ils ont dit que le mari avait été tué en tentant de résister et que la femme avait été repêchée et les pirates arrêtés. Ah, tu vois, il y a une justice. Mais qu'est-ce que tu crois, Giorgio? Que Dieu ne peut rien faire pour les gens? Il aurait pu sauver les deux. Ces lois sont impénétrables. J'espère seulement qu'il acceptera qu'on gagne, nous, tous les deux. Il l'aurait déjà fait. Ne sois pas négatif, Ernesto. Tu l'as dit, ces voies sont impénétrables. Il n'y a aucune raison de croire qu'il nous a abandonnés et qu'il s'oppose à nos résolutions. Sans doute. J'en suis certain. Aucune raison. Depuis cette soirée où Giorgio s'était retrouvé sans femme, pour lui préparer son repas, lui servir un verre de vin, allumer sa télévision et approcher ses pantoufles. Tous les soirs, avec Ernesto, Giorgio partage un plat de pâtes, une bouteille de vin et quelques antipastis. Tu as été au cimetière ce matin, Ernesto? Ah oui, comme tous les matins. Geronimo. Geronimo, viens. Viens ici, mon petit cher. Viens. Tu veux une pâte? Il est ridicule, ton chien. Avec ses poils ras et jaunes. N'écoute pas, Geronimo. Tu sais qu'il pense pas ce qu'il dit. C'était il y a 22 ans. La femme de Giorgio était partie faire le marché et lui était allé Dieu sait où. À son retour, il avait trouvé un mot plié dans une enveloppe sur laquelle était écrit son prénom avec la même écriture appliquée de sa femme, Giorgio. On aurait dit un nœud coulant et tout le reste de son prénom était passé à l'intérieur. Et il n'avait en effet pas manqué de s'étrangler en ouvrant la lettre. Les enfants sont d'accord, ils me comprennent, ça fait trop longtemps que... Et puis la liste interminable, implacable des récriminations. Il avait ruminé des années entières ce qu'il considérait depuis comme la grande erreur de sa vie. Pas seulement avoir nourri une ingrate, mais avant tout, avoir engendré une couvée de renégats qui n'avait pas manqué d'attiser la rancœur de sa femme plutôt que d'essayer de lui faire entendre raison et de promouvoir l'abnégation, la paix, la tranquillité dans le ménage. Écoute, sans vouloir te blesser, Giorgio, tes enfants ne veulent plus te voir. Ta femme ne veut plus te voir. Il se peut que tu sois obligé de faire ton autocritique. Les deux voisins avaient aussi bientôt pris une autre habitude. Celle de jouer au Toto Calcio le dimanche. Et insidieusement, Giorgio s'était pris de passion pour le jeu. Un jour, à force d'en entendre parler, on avait décidé d'acheter deux billets pour le casino de Nova Gorica, sur la frontière slovène. Histoire de voyager un peu, de se dégourdir les jambes et de se changer les idées. À nos âges, il faut tenter l'aventure. Parce que c'est pas elle qui viendra toute seule. Sauf que d'une certaine manière, elle venait quand même à eux. C'est si peu cher. Ce serait une folie d'hésiter. Il faut provoquer le sort. Le chercher, titiller la chance, la fortune, le destin. Sans quoi, on reste là où l'on est et l'on y croupit vaincu d'avance. Et alors, Ernesto, si on se laisse crever, on n'a plus le droit de rien. Et surtout pas de se plaindre. Regarde-moi, Ernesto. Est-ce que j'ai l'air d'un homme abattu? Est-ce que la solitude et la vieillesse ont réussi à m'atteindre? Est-ce que j'ai l'air de me laisser aller? Bien sûr que non. Ernesto avait lui aussi envie de foutre le camp, au moins une journée. Car la vérité lui était apparue dans toute sa cruauté. Il n'avait pas dépassé le supermarché à l'autre bout de la ville, là-bas, depuis un bon quart de siècle. Partir. C'est tout ce que t'as trouvé? Te distraire? T'as rien de mieux? C'est ce que tu trouves de moins pire. Tu veux faire moins pire que ce que tu pourrais faire si tu restais chez toi. Tu sais faire moins pire que de rester chez toi? Tu veux voir le vaste monde. Mais est-ce que le vaste monde en a quelque chose à faire, lui, de te voir? Vraiment? Regarde-toi dans une glace, Ernesto. Vois, tu es raisonnable et ennuyeux, comme ta vie t'offre les moyens de l'être. T'en as bien conscience, non? Tu ne fais pas d'excès, sauf quand il faut courir tout l'après-midi dans les rues pour attraper Geronimo, parce que quelqu'un l'a laissé sortir de la maison. Ça te fait faire un peu de sport, de temps en temps, c'est pas mal. Le reste du temps, la télévision te cale gentiment dans un coin de sa grille horaire, sur ton vieux fauteuil stressless, couleur mastic. C'est pour ça que ta vie finit lentement, et que c'est très lent, interminable. Songe que si tu accélères, tout va vieillir plus vite, trop vite, si vite. Pardon, on vous avait pas vu. Viens, Jérôme, viens, viens. Ernesto ne le dira pas à ses enfants, sa fille surtout, qu'il veut partir. Il lui ferait des histoires. Qu'est-ce qu'ils en savent, ces enfants? La frontière slovène. Le plus grand casino d'Europe. le plus grand casino d'Europe. Enfin, l'un des plus grands. Tout est compris. C'est le premier jeudi du mois. À 14h, le bus vient vous chercher sur la place. Et nous partons. Quelques heures plus tard, vous êtes dans un casino prestigieux sur la frontière slovène. À Nova Gorica. Je suis sûr que vous ne connaissez pas Nova Gorica. Des hommes comme vous. Vous êtes à la porte de l'Europe de l'Est. Et on peut dire, sans trop exagérer, qu'un continent vous attend. Ou la fortune. Qui sait ? Si Dieu est de la partie. D'ailleurs, Ernesto et Giorgio s'étaient accordés sur le fait que Dieu lui-même ne pourrait pas être insensible à leur mérite. Rien. Pourquoi voudrais-tu que j'aie quelque chose ? Je ne sais pas, tu n'es pas toi-même. Moi-même ? Je te connais. C'est vite dit. Vingt-deux ans après avoir quitté Giorgio, sa femme venait de lui écrire pour lui demander de l'aide. Enfin, plus précisément, elle ne voulait pas qu'il l'aide, mais qu'il aide leurs enfants, écrivait-elle, pour l'aider, elle, à mourir dignement. Elle espérait qu'après sa mort, ses enfants et lui pourraient faire un pas, eux vers lui et lui vers eux, n'évoquant pas les sujets délicats, les conflits, les rancœurs, mais s'asseyant autour de sa mémoire, pour se réchauffer à de bons souvenirs. Une idée très bonne femme. Ridicule. Se réchauffer à des souvenirs. Poésie d'instituteur. On ne se réchauffe qu'au feu de bois, au fioul, à l'électricité ou au gaz. Et ce n'est pas elle qui ne m'a jamais payé le mien qui va me dire de quel bois je me chauffe. Je l'avais bien dit qu'elle en crèverait. Est-ce qu'il va oser ne pas répondre et l'abandonner franchement ? Il la tient enfin à sa merci. Il l'achèverait plus cruellement en lui faisant parvenir un chèque écrasant, surclassant toutes ses espérances à elle et dépassant ce qu'elle savait de ses moyens à lui. Car Giorgio avait décidé, primo, gagner le maximum au casino, et secondo, répudier sa femme plus sûrement qu'il n'avait jamais su le faire, avec panache et superbe. Aujourd'hui, jour du départ pour la Slovénie. Il le sait, c'est son heure. Il va enfin pouvoir prendre sa revanche. Et lorsque les billets de banque gonfleront son portefeuille de cuir et qu'ils lui donneront ce renflement que les femmes aiment y voir et caresser, ça oui, sa femme regrettera. Giorgio en est là de ses réflexions quand sur le même trottoir, il croise Gianni. L'ami, où vas-tu ? C'est aujourd'hui que tu fais fortune, non ? Le visage de Giorgio soudain comme réveillé, en alerte. Oui, Gianni, c'est le grand jour. Et puis un silence un peu trop lourd. Un regard qui s'attarde sur des chaussures, dont la semelle s'obstine comme un petit animal impatient et furteur, à rouler sur le gravier, à frotter contre le bitume, pour y décrire un arc de cercle. Qu'est-ce qu'il y a, Gianni ? Rien. Je vous envie. Pourquoi tu viens pas ? La prochaine fois. Tu as des problèmes d'argent ? Non, non, tu parles. Ta femme ? Avec tout ce que j'ai gagné là-bas, faudrait être fou pour ne pas y retourner. Alors tu es fou ? Quand je pourrais y retourner, C'est sûr. Je vais me refaire. Je vais refaire surface. Je crois que la dernière fois, je n'ai pas assez misé d'argent. J'ai été trop timide, c'est ça. On n'ose pas. Parce que la première fois, on gagne avec presque rien. On se dit qu'il en sera toujours ainsi. Ah bon ? Tu as perdu beaucoup ? Moins que les autres. Hein ? Les autres d'ici ? Oui, d'ici et d'ailleurs. Certains sont complètement fous. Ils dépensent tout, leurs pensions, leurs économies, tout ce qu'ils ont accumulé pendant des années. Ils dépensent à crédit et espèrent retrouver la chance, ou la connaître. Mais toi, tu avais gagné, tu as gagné, tu gagnes. Tu nous as dit que tu gagnais. Moi, oui. Oui, je gagne. J'ai gagné la première fois. La première ? Comment ça, la première ? Oui. Et les autres fois ? J'ai eu moins de chance. Mais ça va, je ne me plains pas. J'ai une bonne pension et je ne suis pas comme les autres. Quels autres ? Les autres. Enfin, tu vois, les petits vieux qui claquent tout et reviennent fauchés comme les blés et se font remonter les bretelles par des enfants ou des femmes qui doivent payer pour eux tous les excès qu'ils font. Les excès ? On gagne, alors on rejoue. Quels excès ? On rejoue et on perd, et on gagne. À la fin, on repère indifféremment tout, et même plus encore. De quels excès tu parles ? De quels excès ? Disons que le cliquetis de la machine à sous, c'est seulement dans nos rêves qu'on l'entend. Et alors, tu comprends, c'est de pire en pire. Autour du monde, de Laurent Mauvigné. Adaptation, Louise Loubrieux. Septième épisode. Avec Léonie Pinjot, Fancy. Alain Rimoux, Peter. Éric Herson-Macarel, Juan. Colette Marie, Paula. Jean-Claude Frissung, Ernesto. Jean Ocotrel, Giorgio. Claude Bernard Perrault, Gianni. Emmanuel Matt, un pirate. Éric Chalier, un autre pirate. Et les voix de Valentin Capron, Bruno Forget, Donatien Guillot, Maria Cristina Mastrangeli, Serge Roumi, Kevin Garnicha, Mathias Simon et Florian Chocard. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.